zéro. Quand tes veines se resserrent, dis-moi ce qui vaut toutes les flammes de l'enfer. Reste-t-il de la place pour ce qui s'efface? Laisse-t-il de la place pour ce qui se lève? C'est moi qui te guide, des joies, du plaisir, un vieux civil, je bouscule les désirs, ce sang qui se fiche, comme le corps qui t'échappe, le droit qu'elle dirige, la science te rattrape. De la place.